Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. راح فرجيك أغراض وبدي منك تدليني على الغرض المطلوب. راح فرجيك أغراض وبدي منك تدليني على الغرض المطلوب. Montrez-moi où est l'enveloppe. دليني على الظرف. دليني على الظرف. Montrez-moi où est la clé. دليني على المفتاح. دليني على المفتاح. Montrez-moi où est le rasoir. دليني على الشفرة. دليني على الشفرة. Montrez-moi où est le verre. دليني على الكباية. دليني على الكباية. Montrez-moi où est le crayon. دليني على القلم. دليني على القلم. Montrez-moi où est le téléphone. دليني على التليفون. دليني على التليفون. Montrez-moi où est la montre. دليني على الساعة. دليني على الساعة. Montrez-moi où sont les ciseaux. دليني على المقص. دليني على المقص. Montrez-moi où est le peigne. دليني على المشط. دليني على المشط. Montrez-moi où sont les lunettes. دليني على العوينات. دليني على العوينات.